Loin du paradis, des bruits inondent des maisons. Les enfants y ont peur, plus de belles oraisons. Des herbes frais, c'est pas facile de se sentir bien lorsque l'on voit ou entend ce qui se passe. J'aimerais être un magicien, faire un tour de passe-passe. Houdini, c'est bien des faits de ses chaînes. Pourquoi pas libérer des liens? Le ciel est noyé, par des fumées qui gênent les parents des enfants. Monde un peu trop fou pour rire. Ride un peu trop vrai. De se sentir bien lorsque l'on voit ou entend ce qui se passe. J'aimerais être un magicien, faire un tour de passe-passe. Houdini, c'est bien des faits de ses chaînes. Pourquoi pas libérer nos liens?